Bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes de nouveau ensemble ce matin. J'espère que vous apprenez à mieux connaître votre Dieu, votre Sauveur Jésus-Christ. J'espère que ces petites vidéos vous poussent à l'adoration, à la louange, à l'action de grâce pour un si grand Dieu, pour un si grand Sauveur, pour un si grand salut, pour une si grande espérance que nous avons. Si ça ne fait pas ça dans vos vies, arrêtez de les écouter. Parce que mon but, c'est de nous encourager mutuellement à exalter Dieu et Jésus-Christ. Notre Père du ciel, nous te prions que tu puisses nous aider encore ce matin avec ce passage qui a fait couler beaucoup d'encre. Passage pas toujours facile à comprendre pour nous qui vivons des milliers d'années après qu'il a été écrit. Pour nous qui vivons en dehors du contexte juif, à nous qui n'avons jamais été au temple, jamais été offrir des animaux en sacrifice. Mais pourtant, ça a été écrit à eux, mais aussi pour nous. Donc nous voulons tirer les vérités, les principes que tu veux qu'on comprenne, afin qu'on puisse persévérer jusqu'à la fin. Guide-nous par ton Esprit Saint. Amen. Nous avons vu jusqu'à date la supériorité de Jésus sur les prophètes, sur les anges, sur Moïse, sur le repos que Josué avait offert, et on a commencé à voir supérieur à Aaron. Là, il va y avoir une parenthèse. Chapitre 5, verset 10, jusqu'à la fin du chapitre 6. L'auteur va arrêter son sujet et va emmener un avertissement, un des plus forts et durs de l'Épître aux Hébreux. Il va en avoir un autre, que moi je trouve encore plus dur au chapitre 10. Et par le mot avertissement, on en a vu deux jusqu'à date, deux fois des études là-dessus. Et donc, c'est qu'il les avertit que s'ils abandonnent la vérité en Jésus-Christ, il n'y a plus de salut possible pour eux. Je discute ça régulièrement avec les frères et sœurs. Comment peut-il dire cela à des gens qui se disent croyants, qui ont professé la foi? Que lui-même va dire dans le chapitre 6, en ce qui vous concerne, nous croyons que vous êtes sauvés. Mais pourtant, il leur dit cela, il leur parle, soyez attentifs à ce que je vous dis. Car si vous vous détournez de la foi, que vous avez une foi professée, vous êtes perdus et pour toujours. C'est ce que nous allons voir, on appelle ça des fois l'apostasie. L'apostasie, ça veut dire changer de place. Apostasie, ça veut dire je me tenais ici et je change de place. Puis dans notre contexte, je me tenais ici par rapport à Jésus, par rapport à mon salut, par rapport au sacrifice de Jésus, et maintenant je change de place. J'apostasie cette place-là et je prends une autre place. Et l'autre place, c'est que les autres veulent retourner à la loi, à Moïse. Ils veulent retourner au sacrifice dans le temple. Ils veulent retourner à Aaron comme intermédiaire auprès de Dieu pour eux. C'était notre sujet à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Et au verset 10, il dit, « Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. » Il arrête. Là, il va ouvrir une parenthèse. « Nous avons beaucoup à dire. » Mais on ne peut pas vous le dire tout de suite. On va voir pourquoi. Et il va prendre un chapitre et demi pour l'expliquer. Nous allons lire, si vous voulez bien, à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous êtes devenus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc l'auteur commence en disant, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Sur quoi? Sur Jésus, souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. On va le voir, il va le dire au verset 7. Au chapitre 7, excusez. Donc, j'aurais beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Il va les dire, mais plus loin. Là, il arrête et dit, des choses difficiles à expliquer. Pas parce qu'en elles-mêmes, ils sont difficiles à comprendre. Ils sont difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Beaucoup d'interprétations, c'est de, qu'est-ce que ça veut dire, lents à comprendre? Donc, ils disent dur d'oreille, dur à entendre. Vous êtes devenus un peu sourd, vous êtes dur d'oreille. Vous avez un peu le cœur dur, il va le dire un peu plus loin. J'espère que personne ne trouve va se trouver avec le cœur dur. À un point tel qu'il va se détourner du Dieu vivant. Donc, il dit, vous êtes dans un état spirituel qui fait que c'est dur à vous expliquer ou à vous faire comprendre ce que je veux vous dire parce que vous n'avez pas cheminé comme vous auriez dû cheminer. C'est comme, c'est pas difficile à expliquer l'algèbre ou la géométrie à quelqu'un qui a bien fait ses maths de première année jusqu'au secondaire 3. S'il a tout bien compris, il va ajouter l'autre puis ça va aller de soi. Mais s'il essaie de faire de la trigonométrie à quelqu'un qui ne sait pas additionner, qui ne sait pas multiplier, qui ne sait pas diviser, ça va être du temps perdu. Et ici, c'est la même chose que dit, je crois. Ce que j'aimerais vous dire par rapport à Melchisédek, puis Jésus, puis Aaron, c'est pas si difficile pour ceux qui sont rendus là. Puis ceux qui ont cheminé comme ils auraient dû cheminer. Si vous ne seriez pas dur à comprendre ou lent à comprendre, dit vous êtes devenu lent à comprendre. Fait qu'il s'est passé quoi dans leur vie qui les a rendus moins réceptifs ou inaptes ou incapables de comprendre. Mais je crois, personnellement, que j'espère, que l'auteur espère, que chapitre 1, que chapitre 2, que chapitre 3, que chapitre 4, que chapitre 5 les a préparés à attendre chapitre 7. Il va leur demander de mettre de côté certaines choses. Et de garder les choses par rapport. Il dit, si vous gardez les choses que Jésus-Christ a faites et dites, vous n'aurez pas de misère à comprendre ce que je vais dire au chapitre 7 par rapport à Jésus comme étant sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et il dit au verset 12, en effet, vous devriez être des maîtres. Le mot, là, dans l'original, c'est des enseignants. Vous devriez être maintenant des enseignants. Mais vous avez besoin qu'on vous enseigne, vous, les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous qui devriez être des maîtres, vous êtes encore des élèves, parce que je vous enseigne. Si je dois vous enseigner, donc tu es encore un élève. Vous devriez être des maîtres, mais vous êtes des élèves. On a encore besoin de vous instruire selon les principes élémentaires des oracles de Dieu. Donc, on doit retourner ou mettre les bases à la parole de Dieu quand ça devrait être fait. Ça aurait dû être plus loin que ça. Mais là, vous voulez retourner à ces bases-là. Vous voulez retourner en arrière. Puis là, il dit maître élève ou enseignant élève. Puis là, il va comparer en disant vous êtes devenu avoir besoin de lait au lieu de nourriture solide. Le maître, nourriture solide, l'élève, lait. C'est la comparaison qui continue. Donc, il dit, vous devriez être maintenant à la nourriture solide, mais vous êtes encore au lait. Verset 13. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Il est un enfant. Donc, l'enfant qui est au lait, lui, n'a pas l'expérience de la parole de justice. On ne parle pas ici qu'il y a de la misère à vivre une vie de justice, mais il n'y a pas l'expérience de la parole de justification, qui n'a pas l'expérience d'être justifié, qui n'a pas l'expérience de comprendre, d'être capable de comprendre c'est quoi le moyen d'être justifié auprès de Dieu. Parce qu'il va le comparer au verset 14, mais la nourriture solide, elle, est pour les hommes faits. Hommes faits en comparaison avec enfants. Donc, maître, enseignant, élève. Enfant, lait. Homme fait, homme mature, homme mûr, viande, nourriture solide. L'homme fait, ou l'homme, certaines traductions vont dire l'homme parfait, eux, ils ont un jugement exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. L'auteur ici, à ma compréhension, et à la compréhension de d'autres théologiens, je ne suis pas le seul à penser comme ça. Le bien et le mal, s'il ne parle pas, il va discerner ce qui est bien moralement. Il va dire, ah, ça c'est péché, ça c'est pas péché, faire ceci c'est bien, ça, faire cela c'est mal. C'est pas ça dont il parle. Il dit, il est capable de discerner ce qui est bien, ce qui est mal par rapport à le sujet qu'il est en train de parler. La justification, qui est capable de discerner entre ce qui est de l'ancienne alliance, de la nouvelle alliance, de ce qui est révolu, ce qui est nouveau en Jésus-Christ. Il est capable de discerner, il dit, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner. Donc, il a fait l'expérience de certaines choses qui l'amènent à être capable de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Doctrinalement parlant, par rapport à l'ancienne et la nouvelle alliance, par rapport à Jésus et les anges, par rapport à Jésus et Moïse, par rapport au repos de Josué et au repos que Jésus apporte, par rapport à Aaron et Jésus, il est capable de discerner ça c'est passé et ça maintenant c'est nouveau, c'est ce que Jésus a apporté, c'est là que nous sommes rendus dans l'histoire théologique, dans l'histoire doctrinale de Dieu. Et c'est discerner. Pourquoi? Parce que c'est un maître, parce qu'il est un homme fait, parce qu'il est rendu à la nourriture solide, parce qu'il a expérimenté la parole de justice. L'enfant n'aurait pas expérimenté, mais l'homme fait l'a expérimenté, la parole de justice. Et je crois qu'il parle de la parole de justice en tant que justification. Et il dit son jugement est exercé à faire la différence entre ce qui est bien, ce qui est mal, entre ce qui est passé, ce qui est révolu, comme la loi, comme Moïse, c'était pas que c'était mal, ces choses-là. Mais c'est passé. Et maintenant, on est rendu plus loin. Je crois que si on retourne en arrière, c'est mal. Parce que là, je donne un rôle à la loi, au prêtre, au sacrificateur, au sacrifice, un autre rôle que Dieu avait prévu. Jésus utilise pour me justifier, donc ça, c'est mal. Mais si j'utilise Jésus-Christ et son œuvre pour me justifier, ça c'est bien. J'espère que vous comprenez bien. C'est important qu'on saisisse cela ici. Et c'est pour ça que des fois, personnellement, je vois des gens qui utilisent l'Ancien Testament. Ces gens-là se disent croyants, ils font partie des églises chrétiennes, mais la façon qu'ils utilisent l'Ancien Testament, je me demande s'ils ont compris l'évangile de Jésus-Christ. Don Carson, sur ce texte-là, ici, il dit qu'il parle de juifs qui se sont convertis, sont déclarés chrétiens, croient en Jésus-Christ, se sont repentis, et ils ont continué à pratiquer les rituels juifs, dans le sens que manger kasher, et la façon de s'habiller, la façon de faire le sabbat et tout cela. Donc, pour pouvoir attirer des juifs, plutôt orthodoxes, et qui peuvent les attirer et les fréquenter pour pouvoir leur parler du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils voulaient garder certaines coutumes pour les atteindre au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce qui est parfait. Mais avec le temps, certains d'entre eux ont dit, mais les chrétiens juifs devraient vivre de même, sont appelés à vivre de même. C'est vrai que les chrétiens non-juifs, les païens, on pourrait dire de même, ne sont pas appelés à faire ça. Mais les chrétiens, eux autres, sont appelés à vivre de même. Et Don Carson dit, je me demande s'ils ont compris l'Évangile, s'ils pensent que Dieu nous oblige, nous demande de vivre encore avec des principes de la loi. Même vérité que je suis en train de vous dire aussi. Si j'utilise la loi ou les principes de la loi dans cet testament pour être agréable à Dieu, pour me justifier auprès de Dieu, pour être exaucé dans mes prières auprès de Dieu, pour avoir une meilleure place dans le ciel, j'utilise mon obéissance, mes performances, mes prières, mes sacrifices, mes jeûnes, mes choses semblables. Je me prive de faire des choses pour être accepté, pour être plus proche de Dieu. Je me demande, est-ce que j'ai compris qu'en Jésus-Christ, je suis parfait? Est-ce que j'ai bien compris que la loi a atteint son but en m'emmenant dans les bras de Jésus-Christ pour être sauvé et d'être régénéré? La loi a servi de pédagogue. Maintenant, son rôle est terminé. Elle a joué son rôle. Maintenant, elle va m'aider à comprendre. Mais elle ne peut pas me justifier. Elle ne peut pas me laver. Elle ne peut pas me rendre acceptable aux yeux de Dieu. Elle ne peut pas me rendre favorable à Dieu. Elle ne peut pas m'emmener à être acceptable et me mériter des grâces, ou peu importe ce que je veux mériter. Je ne peux pas utiliser la loi sous toutes ses formes, ou je ne peux pas utiliser aucune œuvre que je vais faire pensant que je vais mériter auprès de Dieu quelque chose. Sans ça, là, j'ai un problème. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que je suis un homme fait ou parfait? Pas parfait que je suis sans péché, parfait dans le sens que je comprends bien le rôle de la loi et le rôle que Jésus-Christ a fait en accomplissant la loi pour moi. Sommes-nous des enfants ou si on est des maîtres? Les maîtres ici, c'est pas ceux qui ont un bac en théologie, c'est pas les maîtrises, les doctorats. Les maîtres, c'est pas les pasteurs ici. C'est tout croyant qui a bien compris le rôle de la loi et le rôle que Jésus-Christ a emmené dans la Nouvelle Alliance. C'est eux autres les maîtres. Les maîtres, c'est eux autres les hommes parfaits ou les hommes faits. C'est tous les croyants, hommes ou femmes, qui ont bien compris le rôle de la loi et le rôle de la grâce en Jésus-Christ, du rôle que Jésus a, étant supérieur aux anges, étant supérieur à Moïse, étant supérieur à Josué, étant supérieur à Aaron. On a discerné ça. On a mis ça de côté. Ça c'était pour nous emmener à Jésus-Christ. Maintenant, on est à Jésus-Christ. Maintenant, on appartient à Jésus-Christ. Maintenant, on a discerné qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et on va garder la foi que nous avons en Jésus-Christ. Notre Père du ciel, merci d'avoir fait de nous des hommes faits par ton Esprit Saint, afin de discerner ce qui est de la loi et ce qui est de la grâce, ce qui est de l'ancienne alliance et ce qui est de la nouvelle alliance. Ô Seigneur notre Dieu, nous voulons pas retourner en arrière. Nous voulons garder ce que nous avons reçu de toi en Jésus-Christ. Tu es celui qui nous a amené les paroles de Dieu. Tu es celui qui est fils sur la maison de Dieu. Tu es celui qui nous a amené le repos, qui nous a fait entrer dans le repos de Dieu. Tu es notre sacrificateur qui a offert un sacrifice parfait pour notre salut éternel. Nous te gardons, toi, notre Dieu, notre Sauveur, Jésus.